Comença una setmana més, Hola la Música, amb Rafael Corbí, i aquesta és la música que ens porta avui per començar l'Angelis amb la bota música que ens condueix a l'inici del nostre espai. Salutacions de Rafael Corbí. Dans une boîte à musique dormait depuis longtemps un doux refrain romantique dont l'air était charmant. Une voix de femme murmurait c'est un peu tendre et discret. Mon cœur est à vous ce soir et pour toujours. Avec tout son amour, dans une caresse profonde, oublions le reste du monde. Vos yeux font en moi fleurir un fol espoir, ma main souvent noire frémit sans le vouloir, de mon baiser grisez-vous à votre tour. D'ébène, je vous en fais cadeau. Les simples mots qui les grainent ne sont pas très nouveaux. Mais cette romance d'autrefois vous dira bien mieux que moi. Mon cœur est à vous ce soir et pour toujours. Avec tout son amour, dans une caresse profonde, oublions le reste du monde. Vos yeux font en moi fleurir un peu l'espoir, ma main sous vos doigts frémit sans le vouloir, de mon baiser grisez-vous. Començat avui amb el nostre programa, farem un repàs a la música que podem trobar sol·licitada al nostre Facebook d'Hola la Música, que el podeu trobar si el busqueu. Òbviament, cal buscar-lo. Michel Polnareff serà un dels protagonistes amb aquestes peticions, però també la Nicole Krasil amb Telephone Moi. Cette nuit je pars, il n'en sait rien, il lit son journal. Je n'ai pas osé lui parler et lui dire que je le quittais. Mes yeux se posent ici et ailleurs, des souvenirs me parlent au cœur. J'ai besoin d'entendre ta voix. par étage et ma vie. Il disait au prochain printemps, il faudra me faire un enfant. Je me sens vide tout au fond de moi, pour le quitter, pour courir vers toi. J'ai besoin d'entendre ta voix, le courage me manquait de moi. Tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, ni au trésor et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Moi, je t'ai rêvé, tu es venu. Oh, mon enfant, mon inconnu, je t'ai trouvé. Cette rue, je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu les goélands et les images de l'aurore. Pas encore un paysage. Ne pleure pas, petite fille. Viens, il y a des voiles sur les étoiles. Oh, mon enfant, il y a bas, loin de ta rue, je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tout le soleil, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Je te donnerai mon amour. Hem gaudit d'aquestes dues cançons, de fet tres, amb la Nicole Krasil, que us comentàvem, aquella actriu i cantant nascuda el 1936 amb el telèfon Moa, però també amb en Michel Polnareff, que ens acompanyava també amb una de les seves cançons, un dels personatges que va marcar la cançó francesa als anys 60 i 70, aquesta dimensió pop que els anglesos sabien trobar tan bé i que els francesos els va costar una mica més. Gil Kaplan amb Natalie Wood era una de les cançons que ens aportava la cantant francesa parisenca concretament i que ens conduïa amb aquest tema. I també, recordeu, no sé si ho feu, a l'Estefania de Mònaco. Ella ens va portar la cançó anomenada Flash, un dels èxits que va tenir també a les pistes de ball. Ulala Music.

les matins, c'est le même cinéma. Tendre les mains, croiser les doigts. Et tous les matins, c'est la même comédie. Chercher quelqu'un, trouver celle qui. Je suis coincé comme un révolté. Faut marcher, ne jamais s'arrêter. Je suis piégé comme un naufragé. À marcher, jamais se retourner. C'est la vie c'est du vent qui nous souffle. Les rêves d'enfant, c'est la nuit qui descend. C'est jamais comme avant, il ne faut plus faire semblant. Attends, c'est la vie qui le veut, qui nous blesse. Le cœur et les yeux, c'est la nuit qui retombe. Comme la pluie et les bombes, il ne faut plus faire semblant. Soit je, ainsi soit tu, ainsi soit ma vie. Ainsi sois-je, ainsi sois-tu, ainsi sois-tu. Ainsi moi je prie pour que tu fus mon exil. Mais quel espoir pourrais-je avoir quand tout est mort. Ainsi sois-je. Grans artistes, Jean Gauthier, s'anomenava realment, va néixer el 61 al Quebec i amb una carrera artística magnífica. Amb ella la tornarem a escoltar d'aquí un moment perquè tenim un parell o tres de peticions de cançons seves, igual que d'en Marlon, que hem escoltat fa un moment amb Celavi. També en tenim aquesta Rua de les Acàcies, que el carrer de les Acàcies és, de fet, una altra de les peticions que trobem a la nostra pàgina web i que avui volem fer escoltar, portar amb els nostres oients. Elle n'était pas ma voisine, elle vivait dans les collines là, rue des Aubépines. Je n'étais pas fier à bras, les chemins faisaient froid en bas, rue des Acacias. On se croisait de temps en temps, alors on marchait dans les champs, au milieu des fleurs du printemps, qui chassent au loin tous les tourments. Je l'aimais tant, je l'aimais tant, je l'aimais tant. rue des Acacias. Esteu escoltant Oh La La Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. Je bascule à l'horizontale, démissionne ma vie, verticale, ma pensée se fige, animal, abandon du moi, plus des moi. Je ressens ce qui nous sépare, me confie au gré du hasard, je vis au-delà. Les flammes dues cançons que ens havien demanat i que també volíem oferir al Conjamerri o al Reverb que havíem escoltat. Ens havien demanat aquestes cançons a la nostra audiència i també les volíem escoltar a càrrec de la Mylène Farmer, que se n'emporta tres cançons en el programa del dia d'avui. Dues també n'escoltarem de Francis Cabrel, de l'artista nascut a prop d'Agen, el 1953, d'ascendència italiana, Francis Cabrel, amb Sacri i també amb Petit Marie. Elle te fera changer la course des nuages. Balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge. Tu la perdras 100 fois dans les vapeurs des ports. C'est écrit. Elle rentrera blessée dans les parfums d'un autre. T'entendras hurler que les diables l'emportent. Elle voudra que tu pardonnes et tu pardonneras. C'est écrit. Elle n'en sort plus de ta mémoire. Ni la nuit ni jour, elle danse derrière les brouillards. Et toi, tu cherches et tu cours. Tu prieras jusqu'aux heures où personne n'écoute. Videra tous les bars qu'elle mettra sur ta route. T'en passeras des nuits à regarder dehors. C'est écrit. Elle n'en sort plus de ta mémoire. Ni la nuit ni jour, elle danse derrière les brouillards. Et toi, tu cherches et tu cours. Mais y a pas d'amour sans histoire. Et tu rêves, tu rêves. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle veut? Et ses enfants. Yeah.